cette ville absolue. Au nord extrême de l'Ovie, ni village, ni paysage. De faune engourdie sous la neige, ni même l'ombre d'un sapin, comme une fine pointe d'éternité. Il n'y a pas de là plus lointain que ce lac englacé, ni plus profonde mer intérieure. Quel intime hasard nous a jadis sur votre rive. Thank you.